night, tit-tit-tit-tit, and the darkness outside is a mirror to my eyes, cause my soul won't reflect any light. Sunshine has left me alone, you're so cold. Freezing like when rangers just know. Don't you need me like an over cold? The seasons may change, but the ice still remains in my soul. You are so cold. llegando. Mija, qué pena me da de verte hoy, dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, al dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Ay, ay, mujer, desnúdate y estate quieta. Ser hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es ser hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces. Frase secreta, no me toques por favor si no estás dispuesto a andar sin careta. Yo te digo por tu bien que así es como todo gira. Puedo despertar mañana acá y después estar perdida. Hace tiempo que estoy deseando poder dejar la puerta abierta. Hace tiempo que estoy tratando de creer. Y a ver si vos te animas también. En el fondo de este amor hay una ciudad escondida. No te metas por favor si no te animas a andar por la vida. Si quieres podés pensar que mañana es otro día. Y es probable que yo esté una vez más planeando mi vida. Hace tiempo que estoy deseando poder dejar la puerta abierta. Hace tiempo que estoy tratando de creer. Y ahí, ahí, a ver si vos te animas también. Enseñar a comes and goes. Every little thing is sky is dark for me. I can never see a beautiful sunshine. I have done all that I can. Now I'm ready to go. Ay, ay, ay, de mí, que cuando te miro me siento. matin, je sais que je me veillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfant de notre amour. Et pourtant, sans remords, sans regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau. Me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant. Just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame, you say, that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go while my boat is drifting away by the shore of my Miami Bay. Try to figure out the end of what I was starting to say. And you found all the footprints that I left in the lawn when I spied on you every night. And I wish I was a secret that you said in your sleep, just to worry that I could keep. Just to word that I could keep while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay. I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And I wish I was coming at your feet, just to be remembered. And I wish I was a comet to crash at your feet, just to be. While my boat is drifting away it's alright. I don't even mind to show to you that all my heart will explode. And you're so, so far away. So I'm only whispering the evening. You can't even hear the show in here. And all is made for you. I try not to think in the meantime now. You could be for sure my relief, you all. I try not to count the days that left. And if we're falling, you see the time will show. You see the time will show. Que el mundo